Bonjour, bienvenue dans ce podcast science numéro 17. On ne savait pas la semaine dernière s'il y en aurait un ou pas. Bah finalement, y en a un, magnifique, mais avec un gros changement de programme. Antoine, qui devait être des nôtres, a malheureusement eu un empêchement. Mais aux surprises, on retrouve notre ami Mathieu. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Ça fait plaisir de te retrouver. Écoute, ouais, j'ai eu deux, trois petits problèmes pour participer aux deux émissions précédentes du podcast, mais bon, aujourd'hui, ça l'a fait, je suis là, sous les grosses chaleurs d'été d'Argentine, grosse chaleur, mais tout va bien, je suis là. Ah, mais c'est extra, parce que donc, t'es toujours en Argentine, toujours la tête en bas, et puis pour toi, c'est l'été. Et pour nous, c'est l'été ici, ouais, avec un bon 35 degrés, la grosse fournaise à Buenos Aires. C'est presque pas mis les pieds dehors aujourd'hui, tellement il fait chaud. Donc je pense qu'on va sortir tout à l'heure, là, c'est quoi, c'est 4h de l'après-midi. Et on va faire un petit tour quand le soleil sera en train de se coucher, ou fera un peu plus frais. Ouais, on vit quand même sur une planète étrange. Hein. Moi, je suis à Lausanne, il doit faire 2 degrés, il y a une bise pas possible, on gèle. Enfin, c'est juste l'inverse. C'est fou. Et puis en même temps, on peut se parler, on est fidèle au rendez-vous au même endroit. Magnifique. Ça me plaît beaucoup. Alors, cette semaine, toi, tu nous as préparé un dossier qui est de circonstance. Donc, tu vas nous parler d'un parc naturel argentin. Et puis moi, j'ai pas préparé grand-chose en fait. C'était une idée d'Antoine pour la dernière de cette année, de faire un petit catch-up des news qu'on n'a pas eu le temps de traiter parce qu'on a surtout fait des dossiers ces derniers temps. Il y a plein de trucs qui se sont passés puis on n'en a pas parlé. Donc voilà, l'idée c'était d'en parler puis faire un numéro un peu plus light. Je vais peut-être commencer avec quelques news. Ça te donnera aussi l'occasion de te mettre à niveau, je sais pas de ce que tu as pu suivre ou ne pas suivre au hasard de tes promenades dans les cybercafés. Ouais, bah écoute, deux trois fois je me suis connecté dans les cybercafés pour un peu me maintenir informé, mais un truc absolument incroyable en Argentine, c'est que dans n'importe quel bar ou restaurant, il y a en fait des wifi ouverts. Et même dans les coins les plus reculés où j'ai été il y a quelques jours. Et donc, voilà, je connectais mon smartphone et puis j'avais mes derniers emails, mes dernières news. Donc, vraiment incroyable parce qu'en Europe, on n'a pas tellement l'habitude de ça encore. Et ici, alors vraiment partout, Wi-Fi ouvert. D'accord, donc rien à payer, pas de conditions générales à accepter. Non. Ouvert à tout le monde. Tu branches et ça marche, mais c'est pas tant. Ouais. Hein. Ouais, c'était merveilleux. C'est genre dans les cafés ou comme ça, ou bien c'est tu squattes les réseaux? Non, c'est les cafés qui proposent le Wi-Fi. Et puis en plus, il y en a plusieurs, parce que c'est vrai qu'il y a aussi les voisins qui ont, je pense, ouais, Internet chez eux. On voit aussi plusieurs autres Wi-Fi ouverts. Donc ouais, une bonne culture du Wi-Fi ouvert ici, c'est bien. Ouais, d'accord, donc pas ce réflexe de fermer à tout prix. Ouais. Et de protéger, ouais, c'est intéressant, on a peut-être de la graine à en prendre. Bah ça va être vachement pratique en tout cas, c'est vrai que... Bah ouais, bah du coup je consomme un coca ou un jus d'orange, donc tout le monde est content quoi. Bah je lis mes emails et je consomme en même temps. Excellent. Bon bah il y a une news qui n'aura pas pu t'échapper, alors c'est... qui nous vient de chez Google, c'est le Buddy Browser. En fait, Google a fait un Google Maps, mais qui n'explore plus la Terre ou les plans, mais qui explore l'anatomie humaine. C'est assez génial. Alors bon, c'est en bêta pour le moment, ça marche pas avec tous les navigateurs. Il faut avoir une version super récente, soit la version bêta de Chrome 9, ou bien la version bêta de Firefox, c'est la numéro 4. Donc, c'est plutôt encore un petit truc pour geek, mais enfin bientôt ce seront des browsers officiels et puis du coup tout le monde pourra y aller. C'est impressionnant, j'ai fait l'essai. Bon, je pense que toi tu n'auras pas pu essayer depuis ton smartphone. Non, j'ai vu la news, je l'ai mis de côté pour la consulter quand je serai de retour, mais non, effectivement, j'ai pas pu tester. Ouais, bah tu vas te régaler, c'est super. Tu peux définir des niveaux de transparence et puis choisir la couche que tu explores. Donc soit le système nerveux, le système musculaire, le squelette. C'est super bien fait. Donc c'est par couche, il y a différentes couches. Exactement, puis tu peux régler la transparence de chacune de ces couches, du coup tu peux te faire une petite combinaison système nerveux et squelette, si tu veux, en zappant, les muscles. Alors c'est vraiment assez génial, quoi. Vraiment, vraiment bien. Bon, c'était une news qu'Antoine avait préparée, je pense qu'il aurait dit plein de choses dessus, moi j'ai rien préparé du tout. Je peux juste dire que j'ai trouvé ça très bien, on mettra le lien sur le site, et puis bah, pour les personnes équipées avec un browser récent, ce sera l'occasion d'aller voir à quoi ça ressemble. Ouais. Donc voilà, ça c'était une première news. Une autre qui était. C'est aussi Antoine qui avait l'intention de la traiter, mais enfin, je l'ai sous les yeux, du coup, je peux en parler. On aurait. Alors, c'est vraiment à prendre avec des baguettes au conditionnel, avec toutes les nuances possibles. Mais enfin, on aurait trouvé. En tout cas, on connaît un exemple de patient séropositif qui a guéri du sida. Non pas par une trithérapie, mais par un autre. Enfin, avec la trithérapie, soyons clairs, on ne guérit pas du sida, donc on masque, enfin on limite les symptômes tant qu'on prend le traitement. Là, c'est totalement différent. En fait, c'est un malade séropositif en 2007 qui avait besoin d'une greffe de moelle. Et puis la greffe de moelle qu'il a reçue provenait d'un donneur. Qui a une mutation génétique particulière qui protège, enfin cette fameuse mutation qui protège du sida. Et puis il se trouve qu'en bénéficiant de cette greffe de moelle, il a également bénéficié de cette protection. Donc ça fait, c'était en 2007, ça fait 3 ans maintenant que cette personne a reçu cette greffe. Il a fallu arrêter toute enfin, la trithérapie pour garantir le succès de la greffe. Et le sida, enfin le VIH, est toujours indécelable chez cette personne après 3 ans sans trithérapie. Donc là aussi, les chercheurs sont très prudents à dire attention, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le déceler que ça n'existe pas, peut-être que c'est en quantité infinitésimale, etc. Et puis surtout, ils sont prudents quant à une éventuelle généralisation de la démarche, parce qu'une greffe de moelle, c'est quand même pas rien, quoi. C'est extrêmement dangereux, ça met aussi la vie en danger. Mais enfin voilà, ça donne un nouvel éclairage sur la question, peut-être de nouvelles pistes à explorer. Donc assez intéressant, ça valait la peine d'en parler. Ouais, j'avais vu passer cette nouvelle il y a quelques jours, effectivement, quoi. Ouais, on a un lien en français, donc on mettra aussi bien sûr sur le blog. Sinon, une autre news qui est un peu plus dans ton registre, alors, qui concerne le LHC. Ouais, on en a parlé juste avant l'émission, là. Ouais, exactement, en 2 mots. Il semblerait que la théorie des cordes, en tout cas certaines versions de la théorie des cordes, soient remises en question. Donc, on a essayé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années. Tout le monde avait peur, ça faisait la une de la presse gratuite parce que le LHC allait produire des trous noirs qui allaient tous nous Engloutir. exactement nous engloutir, on allait tous mourir désintégrés, ce serait l'horreur. Bah en fait, il y a une bonne nouvelle, c'est que on n'est pas tous morts désintégrés. Et puis une mauvaise, c'est qu'on n'a pas réussi à produire. Enfin, le LHC n'a pas réussi à produire ces trous noirs. En tout cas, on n'a pas pu détecter la signature de leur désintégration. Ce qui remet en question certaines versions de la théorie des cordes qui prévoyaient la création de trous noirs dans des dimensions supplémentaires. Donc, toi, tu avais encore une. On en parlait juste avant l'émission. Tu as aussi lu des choses sur la question. Ouais, ce que j'avais lu, c'est qu'en fait, évidemment, le LHC, ce qu'ils allaient générer, c'est des trous noirs vraiment infimes, très petits, et avec des énergies relativement faibles, en fait, en comparaison aux trous noirs réels qui existent dans l'univers. Et alors, j'ai pas exactement les chiffres sous les yeux des quantités d'énergie dont a besoin le LHC pour générer des trous noirs, mais en tout cas, le LHC arrive à générer des énergies 7 fois supérieures, si je me trompe pas, à l'énergie nécessaire pour générer un de ces mini trous noirs. Et effectivement, avec ces énergies qui sont beaucoup plus supérieures, le LHC n'aurait pas réussi à générer des trous noirs. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans la théorie des cordes, les trous noirs, ces mini trous noirs qui pourraient être générés sont vraiment générés dans l'infiniment petit, donc ils ont besoin d'énergie relativement faible. Et ben malgré les grosses énergies qui arrivent à générer le HC, ils ont effectivement pas réussi à générer de mini trous noirs. Ce que j'ai lu, c'est je crois qu'ils voulaient prolonger cette expérience quelque temps, si je me trompe pas, pour voir si quand même ils y arrivaient. Si je me trompe pas. Ouais, alors c'est pas exactement celle-là en fait. C'est l'expérience qui Non? consiste à rechercher le boson de Ah, le boson Higgs, de Higgs. Ah voilà, oui, le boson de Higgs, la c'est juste, fameuse ouais. particule de Dieu. Donc c'est une particule qui n'existe qu'un bref instant après le Big Bang et puis qui confère leur masse aux autres particules, aux électrons notamment. Enfin, Ça, c'est la théorie, hein, parce que pour le moment, justement, on n'a encore jamais vu de ces bosons de Higgs. Il semblerait qu'on soit sur le point d'en choper un ou deux au LHC, mais que, voilà, comment on a prévu de l'arrêter, de l'interrompre pour lui apporter les réglages qui lui permettront de tourner à pleine puissance. Parce que tu parlais de puissance, là, il en est à 7 TeV, c'est des trillions d'électrovolts. Voilà, ouais. Voilà. Donc c'est trillion en anglais, je ne sais pas quel est l'équivalent en français, je sais que c'est à 12 zéros. Et puis là, on en est à 7, à pleine puissance, il sera à 14, mais il y a évidemment quelques petits réglages qui doivent être faits. Donc il est censé être fermé pour une période de 15 mois. Et puis là, il y a une demande qui a été faite par les chercheurs qui travaillent sur cette recherche du boson de Higgs pour qu'on puisse prolonger. Son fonctionnement à 7 trillions d'électrovolts, encore quelques temps, juste le temps de choper un de ces bosons, et puis on pourra l'arrêter après. La Ouais. décision doit être prise fin janvier, en fait. On ne sait pas si ça va être accepté ou pas. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des conséquences économiques assez astronomiques derrière ce genre de décision, donc ça doit pas être simple à prendre. Ouais, d'ailleurs, justement, pour en revenir au mini trou noir, effectivement, le LHC tourne à 7 TeV, et je crois que pour un mini trou noir, un TeV serait suffisant pour générer un mini trou noir. Et ce que j'ai vu, c'est que, en fait, ça remet pas réellement en question la théorie des cordes, ça remet en question un certain nombre de calculs qui sont effectués dans la théorie des cordes, en fait. Mais la théorie elle-même n'est pas forcément remise en cause par le fait que le RHC n'a pas réussi à générer ces mini-trous noirs. Ouais, bon, je sens qu'on aura l'occasion de revenir dessus, toi en particulier. Et puis ouais, le boson de Higgs, qu'on appelle aussi particule de Dieu, qui est vraiment une particule fondamentale qui manque dans la théorie. Et s'ils arrivent à la découvrir, ça, ce serait vraiment un gros succès, un gros succès. Espérons-le, espérons-le. Ouais, bon, on croise les doigts. Voilà, donc ça c'est des informations que bon, on va également poster les liens sur le site. Celle qui concerne les trous noirs, on l'a dénichée dans Discover Magazine, et puis celle du boson de Higgs dans le New Scientist, version en ligne. Sinon, une autre news, alors plus terre à terre, qui nous concerne peut-être plus directement tous dans notre vie de tous les jours. Il semblerait que l'aspirine puisse avoir un effet jusque-là insoupçonné en cela qu'elle peut prévenir certains cancers. Donc ça fait un moment que la news tourne. Maintenant, elle a été peer-reviewée, c'est-à-dire revue par des spécialistes et officiellement publiée. Donc c'est plus une rumeur. Toutes les recherches sont disponibles. Donc c'est des recherches qui ont démarré à l'université d'Oxford. Un certain monsieur Rotwell a mis en évidence l'effet préventif de l'aspirine sur le cancer colorectal. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris des études d'autres recherches qui avaient été faites, notamment sur les risques d'accidents cardiovasculaires, parce qu'on sait que l'aspirine a des effets bénéfiques à ce niveau-là. Et puis il a comparé les données de ces patients-là avec les chiffres qu'on devrait avoir dans une population type concernant le cancer colorectal. Puis il s'est aperçu qu'il y avait une corrélation. Donc il y a semble-t-il un effet. Alors pour le moment, ça semble assez compliqué. Donc il faut en prendre une certaine dose, c'est de l'ordre de 75 à 300 mg par jour pendant, je ne sais plus maintenant si c'est 5 ou 10 ans. En tout cas, dans les recherches qui ont été faites, c'était sur 20 ans. Mais ça permet de réduire de manière assez spectaculaire le cancer colorectal, de l'ordre de 24 à 35% suivant les cas. Donc là aussi, on en est à des phases expérimentales pour voir toutes les incidences que ça peut avoir. Les effets secondaires aussi que pourrait avoir de prendre l'aspirine tous les jours en petite quantité. Ouais, ça peut peut-être avoir d'autres effets secondaires aussi. Oui, l'aspirine, on le sait déjà, c'est pas un médicament anodin. Ça peut être la cause de toutes sortes d'irritations, d'ulcères, d'hémorragies, d'allergies. Moi, je le sais bien, je suis directement concerné en fait. Ça fait des années que je prends plus d'aspirine. Quand j'en prends une, j'ai super mal à l'estomac, puis j'ai des aphtes qui sortent spontanément sur les lèvres. Donc, je serais extrêmement embêté si je devais être dans la population concernée. J'imagine que je suis pas le seul dans ce cas. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a des études qui sont faites, parce que finalement, à côté d'un cancer dont tu es sûr de sortir les pieds devant, ces effets secondaires pourraient être négligeables. Secondaires, exactement. Le tout, c'est de cibler les bonnes populations, en fait. Donc, il y a encore des recherches qui doivent être faites. On ne va pas arroser tout le monde avec de l'aspirine, just in case, mais essayer d'affiner, voir si on peut connaître à l'avance les populations concernées. Donc, voilà, il y a des études qui sont faites en ce moment sur des rats. On sait que c'est les mécanismes anti-inflammatoires de l'aspirine qui serait en cause dans cet effet anti-cancer. Donc voilà, c'est également des pistes. Peut-être qu'il y a d'autres anti-inflammatoires qui pourraient être intéressants. On n'arrête pas la recherche. La science avance en permanence. c'est fascinant. Ouais. Écoute, on va voir comment ça évolue. J'attends de voir aussi des cas concrets, que ce soit un peu généralisé, parce que c'est toujours aussi, il faut prendre avec des pincettes. Mais bon, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Ouais, qui sait. Sinon, une autre news que j'ai trouvée intéressante, parce qu'elle lit quelques-uns des sujets dont on a parlé dernièrement. Les plasmas froids qui peuvent lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est quelque chose que tu avais imaginé? Non, alors pas du tout. Déjà, un plasma froid, c'est un peu bizarre, parce qu'un plasma, c'est justement à de très hautes températures qu'on arrive à les obtenir. Mais comme on avait discuté la dernière fois lors du sujet sur le plasma, il y a différents types de plasma qu'on peut obtenir aussi justement à différents types de températures. Et il y a des plasmas qu'on peut appeler entre guillemets froids. Ouais, je te laisse continuer. Ouais, alors sur cette partie-là, de toute façon, je vais être embêté pour l'explication, parce que j'ai pas tout compris. Je sens que là, on aurait besoin de Paolo Ricci. Mais au niveau expérimental, alors ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte que des jets de plasma froid pouvaient permettre d'aider à la cicatrisation et puis de lutter contre des infections résistantes aux antibiotiques. Donc on parle de jets de 10 minutes qui arrivent à venir à bout de 90%, 90% de bactéries résistantes à une température de 95 à 104 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas exactement comment ça fait. Je sais que le 100 Fahrenheit correspond à la température du corps humain. Donc on est dans ces zones-là. C'est vraiment froid, enfin, on va dire. C'est vraiment des températures pas du tout élevées. Ouais, tout à fait. C'est une température, enfin même une température idéale pour le corps humain. Ça doit être assez confortable. Donc c'est des chercheurs allemands et russes qui se sont rendus compte qu'ils arrivaient à venir à bout de 99-99% des bactéries en conditions de laboratoire, et puis 90-90% chez des rats infectés. Les bactéries qu'ils ont traitées sont des bactéries particulièrement redoutables, le Pseudomonas aeruginosa, je ne sais pas ce qu'il fait celui-là, et puis le staphylocoque doré, le fameux staphylocoque doré qu'on trouve dans les hôpitaux, les fameuses maladies nosocomiales, ce qu'on trouve dans les furoncles aussi, enfin c'est cette espèce de cochonnerie super résistante qui résiste à un spectre de plus en plus large d'antibiotiques. Donc là, ce qui se passe avec le plasma, c'est que la thérapie interfère avec l'ADN des bactéries et puis en même temps avec la structure de leur surface. Ces deux bactéries, en fait, se défendent en mettant au point des biofilms protecteurs. J'ai l'article sous les yeux en anglais. Pas terrible pour les traductions simultanées, désolé. Donc c'est super super intéressant, super prometteur, parce qu'il semblerait que du fait que c'est un effet mécanique, il n'y a pas de nouvelle résistance à craindre de la part des bactéries. Donc il semblerait qu'elles n'aient pas de mécanisme d'apprentissage à leur portée pour apprendre à réagir. Donc ce n'est pas un traitement chimique comme par les antibiotiques. Et puis la dernière partie de l'article parle du paradoxe des plasmas froids. Donc comme nous le disait Paolo Ricci, c'était dans le numéro 14, je crois, le spécial plasma qu'on avait fait avec lui, il y a une différence à faire entre la température et le flux de température. Donc en réalité, chacun des électrons dans le plasma est super chaud, on parle de plusieurs milliers de degrés, mais le tout ne l'est pas. Il a une température agréable. Alors on arrive à ça en ionisant moins de molécules. Enfin, ça dépend du nombre de molécules dans le plasma qu'on ionise. La densité est plus faible, je pense, des ions dans le plasma, une densité plus faible. Probablement. Je pense, ça doit être ça. Mais c'est intéressant de voir que finalement, le plasma, quand on a discuté avec Paolo, on a surtout parlé de la fusion nucléaire et des quantités d'énergie que ça pourrait nous apporter. Et là, c'est complètement autre chose, c'est une application médicale finalement, comme quoi le plasma a plein de secrets encore à nous donner. Hein. Ouais, on n'a pas fini d'en voir avec ces plasmas. Ouais. Voilà. Alors sinon, dans un autre registre, j'ai encore deux petites news comme ça sous le coude. Il y en a une qui est assez intéressante. Franchement, si on n'était pas en décembre, si on était en avril, je me serais méfié. je trouve ça un peu bizarre. Donc c'est une nouvelle molécule qui est capable de remettre à zéro l'horloge biologique de manière très efficace. Et cette nouvelle molécule s'appelle longdeisine. Donc la molécule de la longue journée, c'est ça que je trouvais assez, assez comique. J'aurais pensé que c'était un gag si on était le 1er avril en fait. Mais c'est pas le cas. Donc là aussi, on est au tout début des phases expérimentales. Mais on sait que dans des larves de poissons zèbres, on arrive à modifier la durée de l'horloge, enfin le cycle naturel de l'horloge biologique d'une dizaine d'heures. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend des gènes de luciférase, donc des gènes de luciole, qu'on injecte dans des cellules cancéreuses d'os humain. Et puis ensuite, on observe les réponses lumineuses de ces cellules qui se mettent à briller en fonction de changements qui sont faits dans les rythmes circadiens de la cellule. Donc les rythmes circadiens, c'est justement la fameuse horloge biologique. C'est ce qui fait que chacune des cellules de notre corps sait quand il est midi ou minuit. Et puis qui peut se retrouver complètement décalé, soit à cause du jet lag quand on fait des voyages intercontinentaux, ou bien plus prosaïquement chez les personnes qui travaillent de nuit, qui alternent travail de nuit et travail de jour, et puis qui finissent par se trouver complètement décalés, qui ont du mal à dormir. Donc cette molécule permettrait de remettre le compteur à zéro, en quelque sorte, de réimprimer un rythme à quelqu'un qui l'a perdu. Donc bon, pour le moment, ça a été testé sur des larves de poissons zèbres, ça a été testé dans des tissus de souris. Ça n'a pas encore été testé sur des bestioles vivantes. C'est la prochaine étape. Ça va être fait sur des mammifères en laboratoire. Mais voilà, il semblerait que ce soit assez prometteur. En fait, c'est une molécule qu'on recherche depuis un moment et qu'on n'avait pas trouvée. Affaire à suivre. Ouais, est-ce que ce serait aussi lié à l'hibernation dont nous avait parlé Antoine? Ah, donc t'as écouté. Ah, j'ai quand même réussi à écouter les dernières émissions. Ouais. Justement, je me connectais dans les barres Wi-Fi pour me downloader les épisodes de Podcast Science. Alors peut-être, je sais pas, ouais, c'est peut-être aussi lié au processus d'hibernation. Alors sans doute. Hein. On sait en tout cas que les rythmes, que l'horloge circadienne est impliquée dans le processus d'hibernation. Alors maintenant, est-ce que c'est une molécule, une molécule de ce genre qui déclenche le processus au départ ou pas, ou est-ce qu'il peut être régulé aussi chez les animaux qui hibernent? Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Donc ça, c'est un article de popsci.com, c'est le site web du journal américain Popular Science. On mettra le lien, puis dès qu'on a du nouveau, on reviendra sur le sujet. Ça ne peut qu'évoluer. Et puis la dernière news que j'avais, donc on est toujours dans le biologique entre l'animal et l'être humain. J'ai trouvé ça, je l'ai relevé parce que j'ai trouvé ça assez étonnant, assez surprenant. Le feu vert a été donné pour la première fois pour un traitement de type xénotransplantation, c'est-à-dire qu'on transplante des cellules animales dans un corps humain. Et puis la procédure a été approuvée pour des ventes de médicaments en Russie. Donc c'est un traitement qui a été développé en Nouvelle-Zélande qui concerne le diabète de type 1 et qui. Comment dire, ça concerne, enfin, ça consiste en des cellules de cochons qui produisent de l'insuline, et ces cellules elles-mêmes sont enveloppées dans du varech. Varech, c'est ces algues qu'on voit sur les côtes bretonnes notamment, tu sais, ces espèces ces algues à bulles là qui sentent pas très bon. Donc c'est pas très ragoûtant tout ça. Tu te retrouves avec des cellules de cochon enveloppées dans du varech. Mais c'est marrant parce que je crois que le cochon, c'est un des animaux qui physiologiquement se rapproche étonnamment le plus de l'homme, beaucoup plus que les singes et d'autres choses. J'avais lu ça une fois quelque chose là-dessus, comme quoi les porcs sont très proches de l'homme sur plein de points, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est justement des cellules de porc qu'ils utilisent. Alors probablement, bon, en tous les cas, le diabète de type 1, c'est un truc qui arrive quand les cellules qui produisent de l'insuline dans le pancréas sont détruites. Et puis l'insuline, c'est absolument nécessaire pour réguler le niveau de glucose dans le sang, donc de sucre dans le sang. Et puis des personnes qui n'ont plus ces cellules au niveau du pancréas, ben, sont obligées de passer par des injections quotidiennes d'insuline. Puis le problème, c'est qu'il faut être extrêmement précis dans le dosage. Parce qu'un peu trop ou un peu trop peu pose des problèmes d'équilibre de glucose, enfin de taux de glucose dans les cellules sanguines, ce qui peut provoquer dans un sens comme dans l'autre, soit des évanouissements, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes nerveux, puis globalement ça peut réduire l'espérance de vie de la personne. Donc voilà, quand on parle d'injection d'insuline sans être concerné, on a l'impression que c'est pas grand-chose, c'est juste une formalité. En réalité, c'est super complexe, quoi. C'est beaucoup de calculs qui tiennent compte de beaucoup de paramètres avec des risques d'erreur qui sont absolument abominables. Du coup, ce traitement est attendu avec beaucoup d'espoir parce que du coup, ça remettrait en fait le mécanisme plus ou moins naturel en place avec voilà, toute la subtilité des moyens de contrôle et de régulation du pancréas. Alors, oui, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on doit envelopper ces cellules de cochon dans du varech? C'est parce que c'est une enveloppe d'alginate qui prévient, enfin qui empêche un rejet par le système immunitaire. En fait, c'est une espèce de feinte comme ça pour faire croire à l'organisme que ces cellules de cochon font partie du système de la personne chez qui elles ont été implantées. Bon, moi, il y a un truc qui m'a paru quand même très bizarre hein, en lisant cette news. Il me semble que le protocole a été assez light quand même avant. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe d'habitude. Si quelqu'un pouvait nous renseigner là-dessus, ce serait intéressant. Mais les essais ont été conduits sur 8 personnes seulement. Dont une a arrêté le traitement en cours de route et pour une autre ça n'a pas marché. Donc 6 personnes au final. Alors chez qui par contre le résultat a été assez spectaculaire. Donc dans un premier temps, on leur a injecté dans le pancréas ces cellules et puis en même temps en parallèle, elles continuaient de prendre des injections d'insuline. Au bout de quelques mois en fait, leur insuline était beaucoup mieux contrôlée dans le sang et puis ils ont pu réduire considérablement. C'est leur dosage quotidien quoi d'injection par voie externe. Et deux de ces personnes ont pu carrément arrêter tout traitement pendant 8 mois avec des résultats tout à fait comparables. Donc voilà, ça paraît prometteur. Moi, ce qui me surprend, c'est la taille de l'échantillon en fait. Ouais, effectivement, c'est pas énorme, hein. Ouais. Moi, je sais pas si je m'aventurerais à en prendre, mais bon. Écoute, c'est quoi, c'est en Russie, t'as dit que ces médicaments seraient distribués? Exactement. Ouais, Ouais. c'est la Russie qui a donné son feu vert pour la distribution. Alors je sais pas si d'autres pays vont peut-être suivre ou attendre de voir comment ça marche là-bas. Voilà, enfin sur le plan éthique, ça me paraît un petit peu douteux quand même cette histoire, mais bon, bah, espérons que ça marche, quoi. J'imagine que les personnes concernées sont sans doute prêtes Ouais, à à prendre beaucoup des de risques, choses, ouais. bah, exactement, Ouais. ouais, pour sortir de cette situation. Donc voilà, moi j'ai fait le tour des news que je voulais partager. J'espère que ça t'a permis de te remettre à jour. Bah oui, écoute. Bon, c'est vrai qu'en gros, les news dont tu as parlé, je les avais vues passer. Je les ai, bon, évidemment, pas lues en détail, j'ai pas tellement le temps, mais c'est vrai que j'ai un peu vu passer. J'ai quand même réussi un peu à me maintenir au goût du jour. Mais écoute, ouais, très bien, super. Un peu plus informé au bout du monde, quoi. Ouais, magnifique. Puis alors toi, tu vas nous parler. Tu nous parles de quoi? Oui, alors moi je vais vous parler en fait d'un parc naturel en Argentine qui a une valeur paléontologique et géologique très intéressante. C'est un parc naturel en fait que j'ai pas visité durant mon voyage actuel. J'avais déjà fait un voyage il y a quelques années, et c'est il y a quelques années que je l'avais visité, et ça m'avait vraiment impressionné. Et je me suis dit, ben voilà, c'était l'occasion d'en parler. En fait, c'est un parc qui s'appelle Ishigualasto, qu'on appelle aussi Vallée de la Lune, qui est situé au nord-ouest du pays, dans un département qui s'appelle la Vallée Fertile, au pied de la cordillère des Andes. D'accord. Et Ishigualasto, en fait, c'est un lieu unique qui a suscité l'intérêt des géologues et des paléontologues depuis une centaine d'années. Car on y a cherché des réponses à l'éternel mystère de l'origine des dinosaures et des mammifères modernes. Et ce lieu, c'est un lieu à la fois magique quand on s'y trouve, mais aussi très hostile. Et il offre un paysage très étrange, donc il y a très peu de végétation, mais on voit une gamme très variée de couleurs et des formes rocheuses très surprenantes. Et c'est un site qui a été inclus dans le patrimoine naturel de l'humanité, de l'UNESCO, le 29 novembre 2000. Il a une superficie de 630 km². Et ce qu'il faut savoir, c'est que Ishigualasto, c'est un nom d'origine quechua, donc le quechua, c'était la langue des Incas, que les Incas parlaient dans les Andes, qui signifie. Alors là, j'ai deux versions. J'ai la version Wikipédia qui dit que ça signifie endroit où se pose la Lune, et j'ai la version Guide du Routard qui dit que c'est une terre sans vie, que ça veut dire terre sans vie. Alors je sais pas D'accord. qui a raison, Bah, mais. si quelqu'un parle quechua. Et en fait, sur un plan paléontologique, on y a exhumé des squelettes fossilisés d'un certain nombre de dinosaures. Et c'est aussi le seul endroit où l'on peut voir totalement et de manière parfaitement différenciée toute la période triassique de manière complète et ordonnée. Donc, je vais revenir un peu après sur la période triassique, sur la période géologique. On a calculé que les formations géologiques de ce site ont une ancienneté de 180, 180 pour nos amis français, à 230 millions d'années. D'accord. Et donc c'est un des gisements géologiques et paléontologiques du Trias, donc de cette période géologique les plus importants au monde. Alors, pour un peu remettre dans le contexte de ces périodes géologiques, j'ai justement vu que j'avais un peu oublié, j'avais étudié ça à l'école, les périodes géologiques, mais j'avais un peu oublié, j'ai essayé de faire un petit résumé. Il y a trois périodes géologiques principales. Il y a ce qu'on appelle l'ère primaire, qu'on appelle le paléozoïque. Il y a l'ère secondaire, qu'on appelle le mésozoïque. Et il y a l'ère géologique dans laquelle on se trouve actuel, qui s'appelle le cénozoïque. Et chacune de ces trois périodes est subdivisée en sous-périodes. Alors on voit que le paléozoïque est subdivisé en sous-périodes qu'on appelle cambrien, ordovicien, silurien, davonien, carbonifère et permien. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette première l'ère du Paléozoïque, c'est l'époque où la flore terrestre se forme et on voit l'apparition des premiers mollusques. La première sous-période, le Cambrien, a débuté il y a 542 millions d'années. D'accord? D'accord. Et C'est la fameuse explosion de vie, le Cambrien, non? ouais, c'est là où apparaissent les premières formes de vie, en fait. Ouais. Et la deuxième période, le Mésozoïque, c'est là où apparaît Là, on a trois sous-périodes. Il y a justement cette période de Triassique qu'on retrouve dans cette vallée de la Lune, Ishigualasto. Et cette période Triassique a commencé il y a 250 millions d'années, plus ou moins. Et cette période, ça marque en fait une nouvelle ère, justement, après l'extinction de la première ère du Paléozoïque. Et cette extinction de la première ère géologique, c'est la plus grande extinction massive ayant affecté la biosphère et qui est survenue justement il y a 250 millions d'années. Donc il y a une extinction massive de la biosphère. Et là, il y a la seconde ère qui a commencé avec comme première sous-période le Triassique, il y a 250 millions d'années. Après, on a le Jurassique, il y a 200 millions d'années. Donc c'est la grande époque des dinosaures, Jurassic Park, Spielberg. Et après, on a le Crétacé, il y a 145 millions d'années. Qui lui marque la disparition des dinosaures. Et après, donc, il y a la troisième période principale géologique, qui est l'ère actuelle, qu'on appelle le Cénozoïque, qui, elle, est décomposée en sous-périodes. C'est un peu compliqué, mais il y en a deux sous-périodes principales, qui est le Paléogène, qui a commencé il y a 65 millions d'années, qui est ce qu'on appelle l'ère tertiaire ou l'ère des mammifères. Et ensuite vient le Néogène, il y a 23 millions d'années, qui contient aussi une partie de l'ère tertiaire. Et l'ère quaternaire. L'ère quaternaire, c'est l'ère où est apparu l'homme, il y a 1,5 million d'années, et qui est aussi caractérisée par le retour des différents cycles glaciaires. Donc, d'accord. Donc, le Triassique, là, dont on parle, c'est il y a 250 millions d'années, et c'est l'ère secondaire, le Mésozoïque. Donc, en termes géographiques, cette vallée dont on parle est constituée d'un paysage assez étrange parce que bon, il est très minéral et très sec. On a vraiment des roches. On mettra un lien sur le site avec des photos. Il y a des roches avec des formes complètement incroyables et capricieuses. C'est vraiment justement c'est pour ça qu'on l'appelle, je pense aussi la vallée de la Lune d'une certaine manière parce que c'est des formes assez lunaires. Et on a tout plein de couleurs très variées. Et bon, c'est un climat très aride, voire semi-désertique. Donc, il fait très très chaud durant la journée. On a des températures plus hautes que 40 degrés. Et très froid durant la nuit. Il y a aussi beaucoup de vent et très peu d'eau. Et en ce qui concerne la faune, cette période triassique, donc là on parle, la période triassique, elle a commencé il y a 250 millions d'années et le Jurassique il y a 200 millions d'années. Donc c'est une période qui est un peu qui passe sur en fait ce que je veux dire, c'est que la période qu'on analyse dans ce parc commence au Trias et se termine au Jurassique. Donc elle commence il y a Elle est située entre 180 millions d'années et 230 millions d'années. Et à cette époque, des dinosaures vivaient dans une végétation totalement luxuriante, alors que maintenant c'est semi-désertique. Donc c'est assez incroyable de penser que c'était luxuriant quand on voit ce que c'est. Et tout d'un coup, il y a eu l'apparition de la cordillère des Andes, qui a été très brutale et qui a généré, ben, d'une part, un bouleversement climatique qui a tout pétrifié. Ah, d'accord. Et qui a transformé cet endroit, ben, voilà, en un lieu un peu surréaliste maintenant. Parce que quand on se trouve là-bas, on a vraiment une sensation d'expérience, de silence absolu. Et c'est comme si on se retrouvait juste après la disparition des dinosaures au début d'une nouvelle ère. C'est parce que vraiment, tout est figé, c'est vraiment incroyable. Et on retrouve donc vraiment des formations géologiques de type lunaire. Vous verrez sur les photos, il y a un endroit où on voit des sortes de pierres très rondes, comme un terrain de pétanque, avec des boules de pétanque, mais des pierres. Et on ne sait pas très bien comment elles ont obtenu cette forme aussi arrondie, aussi parfaite. Ouais, c'est vrai que c'est Donc, rigolo. J'ai cliqué sur le lien, bien sûr, j'ai pas pu résister. Je l'ai elles en sont primeur. posées, par terre, là, un Ouais. peu espacées. Et voilà, on ne sait pas très bien comment elles sont arrivées là. Et il y a aussi des formes un peu comme des champignons rocheux, très bizarres. Et on a trouvé donc des restes de dinosaures qu'on a exhumés et qui sont des dinosaures parmi les plus vieux du monde. Et qui sont en plus en très bon état. Et il y a un musée dans la ville la plus proche qui se trouve quand même à plus de 300 km qui s'appelle San Juan. Donc il y a un musée d'histoire naturelle dans lequel on peut voir ces dinosaures. Et voilà, et actuellement, donc il y a très peu de végétation. C'est principalement des sortes de cactus qu'on voit. Pour les animaux, il y a des félins comme le puma. On voit des rapaces comme l'églandin et le condor. Le Condor, je crois que c'est les Andes et une autre région d'Argentine, je crois que c'est les seuls endroits sur la planète où on trouve le Condor. Et il y a aussi, alors ça c'est marrant, je ne savais pas que ça existait, le cousin de l'autruche d'Australie, qui s'appelle le Nandou d'Amérique du Sud, qui est une sorte d'autruche d'Amérique du Sud, je ne savais pas que ça existait. Et on peut aussi l'avoir là-bas. Donc voilà en gros ce que je voulais dire, mais ça a vraiment un intérêt paléontologique très intéressant, et surtout sur cette période triassique, on peut vraiment bien détailler les différentes formations géologiques de cette période. Ah, c'est excellent. Moi, je suis scotché sur les photos, là, surtout celle des boules. Je trouve ça vraiment épatant. Je crois que c'était le... Bon, mon hypothèse, c'est que c'était le terrain de Moi, pétanque des diplodocus. Ils ont laissé écoute, traîner leur babale. j'ai pas fait de recherche particulière là-dessus, mais moi je me rappelle quand j'avais visité Spark, le guide nous avait dit que voilà, il savait pas tellement comment elles étaient atterries ces pierres à cet endroit et pourquoi elles étaient aussi rondes et aussi bien formées finalement. Donc peut-être qu'entre-temps il y a eu des études qui ont réussi à expliquer ça, mais en tout cas quand je l'avais visité, ça restait un mystère. Ouais, bon, en l'absence d'explication, moi je vais m'en tenir à la mienne. Je trouve ça très cool d'imaginer les dinosaures qui jouaient à la baballe, puis qui ont laissé traîner. T'imagines les Donc mamans ouais, dinosaures, tu ramènes ton ballon, tout ça. Ils ont disparu en laissant leur terrain de jeu. mais ouais, surtout, faudra aller voir les photos parce que c'est vraiment impressionnant de voir ces formes rocheuses complètement Ouais, incroyables. c'est complètement fou, c'est déjanté. Et surtout, on a vraiment cette impression d'être dans un monde, vraiment dans un autre monde, quoi. Comme tout est paralysé, figé. C'est une sensation très, très, très bizarre, quoi. Ouais, Et ça m'avait ça doit marqué. être étrange. Hein. Ça m'avait marqué. Ouais, puis je vois que la roche par endroit a une couleur un peu rouge. Ça, tu dois avoir un peu l'impression d'être sur Mars, non? Ouais, bah sur la Lune, justement. Ou sur la Lune, ouais. Bon, c'est vrai que la Mars, c'est plutôt la planète rouge, ouais, écoute, c'est ouais, on a vraiment l'impression de se retrouver un peu sur une autre planète, effectivement. Ouais, bah on mettra le lien sur le site. D'ailleurs, il faut qu'on arrête de parler de ces liens au futur qu'on mettra sur le site, parce qu'au moment où les gens écoutent, ils y sont déjà. Ouais, Ouais. Nous avons effectivement. donc mis les liens sur le site, cher poditeur. Il n'y a qu'à N'hésitez pas à aller cliquer. voir les photos, elles sont vraiment splendides. Ouais, bah top, alors super. Et puis, tu nous as préparé une petite quote depuis le pôle sud, quand même. Enfin, le pôle Oui, sud, l'hémisphère sud. mais je voulais revenir sur une des quotes que vous aviez données dans l'émission précédente parce Ouais, que je me rappelle déjà plus ce qu'on avait dit. il y en avait une où c'était que ça. Alors, bon, mot à mot, je ne sais plus exactement, mais c'était quelque chose que toute technologie suffisamment avancée Ah oui, ressemble à de relève, la magie. ressemble à de la magie, non? Ouais. Et ça m'a fait penser, il y a quelques jours, j'étais dans une région très, très reculée, dans une sierra, donc une chaîne de montagnes plus de 800 km de Buenos Aires. Et là, on s'est retrouvé dans un petit village avec des. En fait, on allait visiter un ami qui se trouvait vraiment dans une zone reculée. Il y avait un petit village tout mini avec une petite école avec une dizaine, vingtaine d'enfants. Et cet ami a apporté un ordinateur et il essaye un peu de leur expliquer comment fonctionne un ordinateur. Et ces enfants n'avaient jamais vu d'ordinateur de leur vie. Et Ah ouais. il leur a mis une webcam. Il a mis la webcam sur l'ordinateur. Donc les enfants se voyaient dans l'ordinateur. Et justement, ils hallucinaient complètement. Donc, ils bougeaient leurs mains, ils faisaient des grimaces, tout ça. Et ils se voyaient dans l'ordinateur. Et justement, là, ça m'a fait penser à cette quote parce que pour eux, c'était complètement magique. Voilà, pour eux, c'est une technologie. Bon, évidemment, qu'ils comprennent pas du tout comment ça marche. C'était quasiment la première fois qu'ils voyaient un ordinateur, mais c'était complètement magique pour eux de voir ça. Donc, ça m'a fait penser à cette quote. Je trouvais bien, quoi. D'accord, chouette. Ouais, enfin, ce que tu racontes, ça me fait penser à l'expérience du hole in the wall. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. C'est un chercheur indien qui avait fait cette expérience en plaçant je me rappelle malheureusement plus du nom de ce chercheur. J'essaie de vite guigner comme ça, mais je trouve pas. Qui avait placé un ordinateur en état de fonctionnement dans un trou, dans un mur, au milieu d'un village indien. Donc d'Indiens d'Inde, où la population était largement illettrée. Donc c'était des gosses qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, qui n'avaient jamais vu un ordinateur de leur vie. Et puis l'expérience consistait à les regarder, se débrouiller, puis voir quelle stratégie d'apprentissage ils mettaient en place pour faire fonctionner cet ordinateur qui était connecté à l'Internet. Et puis c'était fou les résultats de ce truc. Il a fallu quelques heures aux enfants pour comprendre à quoi ça sert, enfin ce que c'était, comment ça marchait, à quoi ça servait, puis commencer à dénicher des informations, et puis en l'espace de quelques mois, ils ont fini par apprendre à lire, donc de manière complètement auto-organisé comme ça. Donc il y a des modèles qui se sont mis en place. Il y en avait qui étaient leaders, d'autres qui avaient plus ou moins le droit d'approcher de l'ordinateur, etc. Enfin, l'une dans l'autre, une stratégie spontanée comme ça qui avait été mise en place. J'avais trouvé ça complètement fascinant. Je vais essayer de retrouver les liens, et puis enfin des infos, et puis de mettre ça en lien aussi sur le site. Enfin voilà, je saute du coq à l'âne, mais c'est vrai que ouais, c'est assez incroyable, ces Ouais, donc histoires. voilà, pour eux, c'était complètement magique, cette technologie d'ordinateur et de webcam. Et voilà, petit lien avec la quote de la dernière émission. Et puis, pour la quote d'aujourd'hui, alors j'en ai une de William Wallace, un chercheur, bon, je ne sais pas très bien qui c'est, mais j'avais lu ça sur un article d'Internet Actu, et qui dit la chose suivante: ce que les cogniciens peuvent penser, les gens de la nano peuvent le construire, ceux de la bio peuvent le développer et ceux des technologies de l'information peuvent le maîtriser. D'accord, ouais, je me rappelle que c'est la fameuse quote que tu nous avais proposé de faire à ta place à Antoine et à moi. Mais vous êtes bien débrouillé quand Ouais, même. non, mais on a pas osé, hein, on a attendu ton retour. Ok, je sais pas comment il faut comprendre ça. C'est sur l'esprit d'équipe, les collaborations entre les différentes spécialités, c'est ça l'idée? Ouais, comment une découverte scientifique finalement touche les différentes couches scientifiques en partant, voilà, d'une couche la plus basique, celle de la cognitivité. On dit en français la La cognitivité, ouais. cognition. La cognition, pardon. La cognition, et en passant par la nano, et après la bio, fait évoluer cette découverte jusqu'aux technologies de l'information qui peuvent la maîtriser. C'est l'évolution d'une découverte scientifique finalement. Les différentes étapes et domaines qu'elle touche, quoi. Je trouve intéressant. C'est pas tout faux. Ouais, effectivement, à méditer. D'ailleurs, on aura le temps de méditer parce que la semaine prochaine, on fait pas d'émission. On va quand même laisser les gens faire les fêtes de fin d'année tranquilles. On recommence à sévir le 6 janvier. Je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je suis plus sûr. Je me répète en vieillissant, c'est terrible. On aura une invitée, donc c'est Lucille Zand, je crois que ça se prononce à la française, qui fait maintenant depuis quelque temps les illustrations. T'as eu l'occasion de les voir, hein? J'ai eu l'occasion de les voir, ouais, c'est Ouais. super. Je me Ouais, réjouis de discuter c'est vraiment avec elle. génial, ouais. Ouais, donc elle est étudiante en master de communication scientifique. En gros, ce que nous on fait en amateur, elle apprend à le faire en pro. Donc je pense qu'elle aura plein de choses à nous dire. Je me réjouis beaucoup de l'entendre à la rentrée. Et puis d'ici là, bon, on souhaite de belles fêtes à tout le monde, une heureuse année 2011. Et puis ouais, peut-être un petit mot pour nos amis, nos fidèles poditeurs, ceux qui interagissent, qui nous suggèrent des sujets, le noyau dur de la communauté. On vous souhaite de toutes bonnes fêtes. Je pense notamment à Xavier Agnès, à Christophe Mendès, à Jenny Parker, à nos amis de Niptech Podcast, les parrains de Podcast Science, Ben et Mike, bah, Lucille Zane, justement, notre nouvelle padawanette qui embellit et rend tellement plus drôle le site grâce à ses illustrations géniales. À Paolo Ricci, notre premier invité scientifique, j'espère qu'il sera le premier d'une longue file. Olivier Tripet, qui a toujours des suggestions sympas à nous faire. Thomas Fouchard, Caroline Grappe, Jean-Philippe Girard, Franck Pascot, Psychophénix, qui retweet plus vite que leur ombre. Julien Mathieu, Beaugiraud, Christine, première gagnante du concours. Alain Minaret, deuxième gagnant du concours. Bastrache, je sais jamais comment ça se prononce, faut qu'on lui pose la question à l'occasion. C'est Bastrac ou Bastrache? Bastrach à l'allemande, je sais pas. Michel Favet, ton papa, qui nous fait souvent des commentaires. Ateraki, Spout, alias Christophe, qui nous a fait des commentaires intéressants. Enfin, il n'en a plus fait dernièrement, mais moi j'aimais bien, quoi. Il nous a part de ses réflexions sur les nuisances de notre espèce. C'était en marge du sujet sur le poulpe. Il nous avait d'ailleurs proposé de créer un forum, et c'est quelque chose qu'on a totalement ignoré, enfin oublié, j'en suis navré, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée de résolution pour 2011. Peut-être qu'on pourrait faire ça sur Facebook. Un petit coucou, remerciement, bonne année aussi à Néo Gandalf, qui a ouvert un débat sur Albert Jacquard en commentant récemment ta première quote sur ce site. Donc la première quote, c'était Science sans conscience, tu te rappelles Ah, de n'est que ruine de Ramel? l'âme. Ouais. Exactement, ouais. Donc il a déniché un, un, un sujet audio, je crois, ou vidéo, je ne me rappelle plus maintenant, d'Albert Jacquard qui démolissait cette assertion. Puis alors, moi, je ne suis absolument pas d'accord, je trouve que c'est très bête de la démolir. Donc voilà, le débat est lancé, c'est disponible sur le site. On n'oublie pas non plus Al Jess, Anna Sourbonne, Alexis Perrier, Benoît Maréchal, Zélim, Tobos, le fan de Plasma, Elif Sou la vraie, dont le feed Twitter est une véritable source d'inspiration, Gaïané Adourian, Anaïs Lé, Fabien Legovic, et puis les nouveaux venus, Alain Potin, qui est notre 100e fan sur Facebook. Ah, Mathieu Fèvre, félicitations, ah ouais, c'est félicitations. Top, hein. Hein. Il a fait une arrivée triomphante, là. Mathieu Fèvre, le 101e, Arnaud Aliès, le 102e, et Benjamin Michel, le 103e. Alors, il faut dire que dans les 103 fans, nous, on y est les trois. Voilà, je crois que c'est le 103e qui est le centième, non? C'est le véritable centième, exactement. Nous, on peut quand même pas être fan de nous-mêmes. Donc, on a vraiment 100 fans avec le 103e. Un petit coucou, merci, bonne année aussi à Mohamed Ramani qui rêve d'hiberner jusqu'au 22e siècle, et puis à Forza Pedro, le fan de Magneto Hydrodynamique. Voilà, ben je pense que c'est grâce et pour tout ce petit monde qu'on fait le podcast chaque semaine. C'est juste génial d'avoir toutes ces interactions, d'avoir ces retours. On vous invite toutes et tous, bien sûr, à continuer de commenter, critiquer, suggérer. Enfin, c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Et puis c'est super cool pour nous d'avoir des retours, quoi. Donc voilà, toute bonne fête à tout le monde, bonne année, et puis à tout bientôt. Tu seras de retour en Europe le 6 janvier, Mathieu? Ouais, je serai peut-être même en Suisse, donc à confirmer. Cool, on se réjouit. D'accord. On va faire un podcast en face à face, alors qui sait. Ouais, écoute, pourquoi pas? Excellent. Pourquoi pas, on pourra regarder ça. Alors, bonne fête de fin d'année à tout le monde, et puis l'année prochaine. À tout bientôt. Ciao, ciao. À tout bientôt. Ciao.